Cours numéro 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Akhadna fi d-dars al-sabiq al-mithal al-hadi ashar ma yata'allaq bi al-hudud al-qisas. Falimadha al-Sheikh Sa'di rahmatullah alayhi dhakara hadhihi al-mas'ala al-muhimma huna. تفضل. لأن الحدود تنفع الناس في الدنيا وفي الآخرة كذلك. نعم، لأن هذه الحدود فيها نفع عظيم. مثل ماذا؟ أمن للأمة. C'est pour préserver l'umma. Parce qu'il y a un نفع, il y a une utilité. S'il y a moins de voleurs, il y a moins de meurtres. Et il y a plus de sécurité, il n'y a aucun doute que toute la communauté elle va profiter. Donc c'est pour le bien des personnes, pour préserver leur bien, leur sang et leur honneur. كذلك في الآخرة عندك نعم أنه سينكفر pour lui. فهذه الحدود في الحقيقة c'est une رحمة pour l'أمة et une رحمة pour هذا المجرم. لأن إذا أقيم عليه الحد ونعبي بيك ستين كفارة pour lui. فهذه الحدود رحمة ومنفعة وعدل كذلك c'est la justice. لأن celui qui a commis ce crime il mérite une peine. هذا c'est من باب العدل. لكن on avait dit qui c'est qui comprend هذه الأمور. بعض الناس ربما لا يفهمون. Qui c'est qui comprend هذه الأمور؟ العقلاء. نعم العقلاء. كما قال جل وعلا نعم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هؤلاء vont comprendre أن القصاص c'est pour préserver la vie, pour préserver les biens, pour préserver l'honneur. Pas comme ils prétendent الأعداء, أعداء الإسلام, أن c'est de la barbarie إلى آخره. فهذا باطل وكفر لأنه طعن في في رب العالمين وفي حكمه جل وعلا. Et tout ça, ولله الحمد, on l'a détaillé dans le درس précédent. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه قال المثال الثاني عشر ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر بفتح الحاء على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره. Ce point, الفقهاء, ils le citent dans leur livre de fiqh. Et tous les points qu'on va citer الآن, c'est des مسائل في الفقه, et elles sont مهمة. مثل الحجر. فهذا معناه الحجر لغة, c'est المنع والتضييق. الحجر المنع والتضييق أي un empêchement. Et ça c'est par rapport au bien. فلهذا في الاصطلاح يقولون منع الإنسان عن التصرف في ماله. منع الإنسان عن التصرف في ماله. Donc هذه الشريعة الطيبة فيها أن celui homme ou femme adulte ou enfant أنه إلى un problème pour gérer ses biens, فالشريعة elle nous démontre أنه يجوز que son ولي, un proche, celui qui est responsable de lui, أنه il l'empêche de gérer ses biens. لماذا؟ لأنه si il a un problème pour gérer ses biens, ربما il se fait du mal à lui et aux autres. Et on va citer l'exemple de l'enfant et du majnoun. قال وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه. Et on va citer ces deux أقسام. المهم شيخ سعدي رحمة الله عليه il te cite un exemple. أن المجنون مثلا s'il a des biens, il a reçu un héritage ou il a travaillé avant de tomber malade. مهم c'est un majnoun, il sait plus ce qu'il fait, il est malade. Il a perdu la raison. فهذا, si on lui laisse ses biens, فربما هذه الأموال تضيع. ربما il les perd, ربما il les détruit, ربما il les donne, ربما il se fait avoir, on le vole, on abuse de lui. لأنه مجنون ما يدري. Donc pour préserver le bien de ce مجنون, الحج. كذلك الصبي الولد الطفل. ربما il a reçu un héritage ou c'est un orphelin. ففي هذا الحال, s'il n'a pas atteint l'âge pour comprendre, pour pouvoir se gérer lui-même et gérer son argent, il se fait voler son argent ou certaines personnes elles abusent de lui. Allah subhanahu wa ta'ala il a cité cette question dans le Coran. قال عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا أي سي. Vous apercevez qu'il a atteint 7 enfants. Il y en a S'il a atteint l'âge de la raison et il peut gérer, cet argent, il était orphelin, il ne pouvait pas gérer, il était enfant. S'il atteint l'âge de la raison et il peut gérer, son bien lui est rendu. Et Inch'Allah, ça ne sera pas un mal pour lui ni pour les autres. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي on cite un bref aperçu de cette مسألة الحج وإلا كما تعلمون les détails c'est في كتب الفقه نحن ce qui nous intéresse في هذا الكتاب أن نفهم لماذا الشيخ السعدي رحمة الله عليه il a écrit cette رسالة dans les في محاسن الدين les bienfaits de هذا الدين et il cite الحج. C'est ça qui nous intéresse. Et on a compris أنه يسيت هذا لأن هذا الدين il préserve, ou c'est la cause pour préserver les biens de cet enfant, de ce malade, de cette personne qui a des faiblesses. Donc c'est un bienfait عظيم. Et العاقل, qui médite, il s'aperçoit et il comprend les bienfaits de هذا الدين. On a même cette chose عند بعض الناس ربما لا pas beaucoup d'importance لأنه il est pas concerné. Dans notre din, في القرآن في السنة, tu trouves des preuves comme le verset qu'on a cité ou autre pour préserver les biens de ce ضعيف. هذا الولد أو هذا اليتيم أو هذا المجنون. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص فدلت الآيتان. أي on a cité الشاهد نحن. على الحجر على السفيه واليتيم في ماله لئلا يفسده ويضيعه. Et c'est ça la cause. لأن واحد peut dire mais c'est bien, il fait ce qu'il veut. Là, c'est bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné, qui l'a razaq. Donc il doit être reconnaissant. Et notre dîn, il nous ordonne de préserver les biens. Donc s'il ne peut pas, il a une chose qui l'empêche, il n'a pas atteint l'âge de la raison, c'est un enfant, ou il n'a plus la raison, c'est un majnoun. Ses biens, ils lui sont retirés, hatta il atteint une période, un âge, où il pourra s'en servir ou les gérer lui-même. Ou, كذلك, s'il a un besoin, et ça c'est clair, il a un besoin, son besoin, et cette personne qui est responsable, il lui paye cette chose avec son argent. Elle m'a tout lui donné. Et probablement un jour, en une heure, il perd tout. Ah oui, il se fait voler. Il ne sait pas gérer. Enfin, est-ce que c'est un bien pour ce malade ou pour cet enfant? Abatan. Donc celui qui veut aider maintenant cet orphelin ou ce majnoun, chacun a la tariqa, la tayyiba, la sahiha, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité في هذه الآية أن اليتيم tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la raison et il ne comprend pas ces choses, il est trop petit, ففي هذا الحال ses biens ils sont préservés et ce qu'il a besoin il lui achète. ثم s'il atteint l'âge de la raison, enfin il récupère ses biens et il les gère lui-même. هذا ça montre رحمة هذا الدين et ça montre العدل والحق. قال الشيخ الفوزان لئلا يفسده ويضيعه وأنه لا يدفع إليه إلا بعد تحقق رشده فيه. نعم. Donc ces biens ils lui sont pas rendus totalement tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la raison. Hey, dans notre exemple pour l'orphelin ou pour le malade tant qu'il n'est pas guéri. وقال كذلك حفظه الله والحجر نوعان. Et في الحقيقة الشيخ سعدي l'a cité هذا في كلامه. لكن avec هذا التقسيم ça sera plus clair. الحجر نوعان. Il y a deux catégories de حجر. الأول حجر على الإنسان لأجل حظ غيره كالحجر على المفلس لحظ الغرماء والحجر على المريض بالوصية بما زاد على الثلث لحظ الورثة. Le premier حجر est dans un cas les biens d'une personne elle peut ou ses biens peuvent lui être retirés si كما قال هنا لأجل حظ غيره لأن إلى un حق envers un autre ou il doit de l'argent à un autre. مثلا المفلس il a une dette envers un autre لكن on va dire il lui doit 1000 euros مثلا et هو il n'a pas les 1000 euros il ne peut pas lui rendre لكن il a de l'argent لكن il n'a pas assez pour lui rendre. ففي هذا الحال يجوز للسلطان خاصة si celui qui lui a donné cet argent, qui lui a prêté plutôt cet argent, il veut son argent, c'est autorisé qu'une partie de l'argent de cette personne qui est endettée, elle soit bloquée pour les rendre à celui qui lui a prêté. Et ça, ça montre la justice. Celui qui a prêté l'argent, il a un haq. Il a fait du khayr, donc il a un droit. كذلك celui qui a demandé ce prêt, il doit être juste. Amma, l'argent qu'il a, à chaque fois, il la dépense et il donne rien à celui qui lui a prêté. Donc, une partie de ses biens sont bloqués, hatta il rembourse sa dette. كذلك تذكرون مسألة الميراث الإرث أنه نبي دي لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. Il n'a pas le droit, avant de mourir, s'il fait un testament, de donner ses biens à autre que ses héritiers, bien sûr. Il n'a pas le droit de donner plus du tiers. Le maximum, c'est le tiers. Et s'il laisse des biens après sa mort, ses enfants, ses proches, ils se partagent l'héritage. Si il veut faire un don de plus du tiers, fait yajouz ou l'hajj. Aïe, c'est bloqué, son argent est bloqué. On ne fait pas cette sadaqa, limada, il n'a pas le droit de délaisser ceux qui ont un droit plus important, à ses proches. ففي هذا الحال قال شيخ الوزان حفظه الله لأجل حظ غيره. C'est pour l'autre. إما celui qui a واحد lui a prêté de l'argent, il doit lui rembourser. إما ses proches, ils ont un haq sur son argent. Ça montre. Et c'est important que le musulman y comprenne هذا أن لا يجوز التصرف في المال بالباطل. On n'a pas le droit d'utiliser notre argent, nos biens comme on veut. Si ça contredit des textes, s'il y a une injustice, on n'a pas le droit. Enfin, chacun il a un haq. فهذا النوع الأول حجر على الإنسان لأجل حظ غيره. On a donné l'exemple les dettes ou الوصية. Deuxième نوع, et c'est celui qu'on a cité avec l'orphelin et le majnoun. حجر على الإنسان لأجل مصلحته هو أي حجر c'est bien ils sont bloqués pour sa manfa'a à lui أي ça va être lui qui va profiter c'est pour son bien à lui لألا يضيع ماله ويفسده كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون. هؤلاء pour leur bien leur argent il est bloqué hatta s'il retrouve la raison ou pour l'enfant il atteint l'âge de la raison leurs biens ils leur sont restitués et هم يتصرفون في أموالهم. هذا ما يتعلق بالحجر. Un bref aperçu. Et نحن ce qui nous intéresse هنا c'est le lien avec notre sujet et les bienfaits de l'islam. وإلا فالتفاصيل كثيرة في كتب الفقه. ربما il y a des conditions, il y a beaucoup de choses qui sont importants dans ce sujet, et nous, on n'étudiera pas ça. Il y en a, c'est fi kutub al-fiqh, il y a un chapitre fi al-amwal, fi kitab al-buyu' al-sitt, mitl hada, fa nahnu naktafi bi hada. Qala al-sheikh Sa'di wa kullu hada. Et c'est ça là, ce qui nous intéresse, nous, là. Wa kullu hada min mahasin al-shari'a. حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه. هذا سهل أبوختان. أن الإنسان عبد لله عز وجل. فهو يفعل ما يريد. بعض الناس يزون une pensée والعياذ بالله. الناس يسون argent. يفعل ما يريد. ولو si tu le conseilles, il accepte pas. هذا il se fait du mal à lui-même. Il fait du mal à son دين. Il fera du mal aux autres. هذا المال سئل نعمة من الله عز وجل ومن الشكر سكون جير cet argent par rapport à la législation islamique, par rapport à الشريعة. On fait pas ce qu'on veut. قال ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه أو حجر عليه الشاعر حجرا للتصرفات في ميدان المصالح وإرشادا للعبادة يسعو في كل تصرف نافع غير الضار. Là c'est important. Donc ces biens ils peuvent être bloqués لأن il y a une manfa'a pour lui, et كذلك c'est pour qu'il ne se fasse pas du mal à lui-même et aux autres. Et هذا c'est واضح. Ce genre de مسائل c'est واضح pour celui qui médite et qui est objectif. أنه c'est واضح أنه il y a un خير عظيم. حتى cet enfant, si on prend l'exemple de l'enfant, l'orphelin, s'il grandit et il récupère ses biens et il atteint l'âge de la raison, il va être reconnaissant, dit-il. Il va être reconnaissant envers celui qui l'a aidé, qui lui a préservé ses biens. Ses biens, ils sont préservés. Que celui qui est responsable de cet orphelin ou de ce mejnoun qui prenne de cet argent. C'est ça l'asl. لأن c'est pas son argent. Huwa faqat, il est là pour aider cet orphelin, il lui préserve ses biens. Hatta quand il grandit, il récupère son argent et inshallah yastafid. Fa cet enfant ou ce malade, ils seront reconnaissants jiddan envers ce proche qui les a aidés fi hada. Hada fi al-haqiqa c'est min bab al-ta'awun. C'est de l'entraide, c'est de la rahma envers ce da'if. Et c'est ça notre din. Notre din c'est basé sur l'entraide, sur rahma, sur l'adl, sur le haqq. هذه المسألة المهمة الحجر ما يتعلق بالأموال كما نادي لديتاي في كتب الفقه. ثم قال الشيخ سعدي المثال الثالث عشر ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل الحقوق. توجور دي مسائل في الفقه ما يتعلق بالشهادات et ما يتعلق بكذلك on va voir الأموال que ça soit الرهن الضمان etc. tout ça الشيخ سعدي رحمة الله عليه le cite pour nous démontrer les bienfaits de ce din. Ce din il est شامل كامل, il est complet. C'est pour les bienfaits de, ou c'est pour l'âme que العبد lui-même il profite. قال وذلك كالشهادة التي تستوفى بها الحقوق أو تستوفى بها الحقوق وتمنع التجاحد ويزول بها الارتياء. شهادات أو إن شهادة pour prouver que cette chose, on peut donner l'exemple مثلا واحد il a un terrain et il a un عقد صحيح موثق من الدولة, un contrat officiel avec l'État, أنه ce terrain à tel endroit, avec telle superficie, c'est lui le propriétaire. Ce acte, cette chose, ce contrat qui prouve que le terrain c'est à un tel, ça va éviter beaucoup de problèmes. Ça va éviter beaucoup de problèmes. Il y en a, si un autre il prétend que c'est son terrain, l'akhar il a une preuve. C'est son terrain. Et Al-Shir Sa'di, rahimahullah, il va citer des exemples autres que celui qu'on vient de citer pour mieux comprendre. قال وكالرهن والضمان والكفالة التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي يستوفى منها. Et ça, c'est important. Maintenant, tu prêtes de l'argent à un frère, à un proche, à un ami. Mohim, tu prêtes de l'argent. Ad-din al-islami, notre din, pour éviter les problèmes. Et fil haqiqa, on sait tous que beaucoup de problèmes, c'est la cause, surtout quand il s'agit d'argent, la cause de beaucoup de ces problèmes, c'est que هذه الأمور comme on va voir الرهن وكتابة الدين c'est pas appliqué. C'est pour ça que ça fait beaucoup de problèmes. فلهذا ننصح الإخوان, si celui qui veut s'entraider avec son frère, lui prêter de l'argent ou autre, il applique sunnah. Cette dette, elle doit être écrite. أي وثيقة. كذلك ce دين il faut qu'il soit إلى أجل. On laisse pas Shaitan rentrer. إلى أجل أي une durée déterminée. Je te prête 500 euros jusqu'à tel jour. Je te laisse, مثلاً, un mois, deux mois, six mois pour que tu me les rendes. Et une feuille écrite. Et les choses, elles sont claires, dites-en. Avec des shuhud, des témoins. Et Inch'Allah, yahsul khayr kithir wa kabir. Limada liyanna, si ces choses ne sont pas appliquées, rubbama al-shaytan, il rentre et il fait du mal aux deux frères. Al-akhar, il se permet des choses de ne pas rembourser et l'autre, il ne patiente pas assez et ça fait beaucoup de problèmes, des dégâts. Donc, al-jami' il faut qu'il yattaqoun Allah Azza wa Jal. Donc, si une dette, tu prêtes de l'argent, écris avec ton frère, avec des témoins et il a ajal avec une date. Ça, c'est muhim. Ils font une erreur. Là, c'est un frère, je le connais. Il n'écrit rien, il n'y a pas de date. Rubbama hatta la somme, il ne se rappelle plus. Thumma, avec les mois, avec les années, les problèmes. Je t'ai prêté tant. Non, tu ne m'as pas prêté tant, tu m'as prêté tant. Thumma, il diverge sur la somme. Ça serait écrit. Fawthiq, il n'y aurait aucun problème. Les anna, la feuille, elle est écrite avec des témoins, telle somme. Je ne peux pas rajouter, tu ne peux pas baisser. Kadhalik, le problème de la durée. Beaucoup de problèmes. Ya akhi, laisse-moi plus de temps. Al-akhir, il dit, mais je t'ai déjà laissé. Il y aurait une feuille, un contrat avec une date. Alhamdulillah. Ya akhi, dès que je t'ai prêté, tu étais d'accord, telle date. Fal-an, j'ai besoin de mon argent. Thumma, bien sûr, si le frère, il peut vraiment pas rembourser et il est en difficulté, famina sunna, c'est qu'il lui laisse un délai. Il repousse. Tayyib. Et si le frère, il a de l'argent, fayattaqillah, il rembourse la date qui a été déterminée, il rembourse. Quand on évite les problèmes. Thumma, même s'il arrive quelque chose, t'es à la haqq. Et t'es mutma'in. Et si ce frère, il veut pas te rendre ton argent, fais ça en voilim. Et anta t'es madloum. À la kulli hal, t'es gagnant, anta. Et le khayr que t'as fait, il sera pas perdu. Lakin, si on fait le khayr, on le fait avec des règles. Ou dans les règles. Avec le sunnah. Comme min mashakil. Kadhalik, nansah al-ikhwan, ils ont pas hadha al-bab. Tu sais que Wahad il prête pas ou ça va faire des problèmes. T'es pas obligé de lui prêter si c'est quelqu'un qui va te faire du mal. T'as pas le droit de te faire du mal. Antakadalik, t'as besoin de cet argent. Kadalik, l'ansah al-ikhwan qui demande des dettes, annahum yattaqullah. Ils ouvrent pas cette porte tout le temps. Tout le temps. À peine il a besoin de quelque chose, il demande une dette, ou il prend une dette. Et rubbama, c'est pas quelque chose d'important. Tout ça, c'est des conseils par rapport à ce sujet. Nahnu al-an avec ces choses, ces exemples qu'il va citer Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi, on ne détaillera pas tout, on détaillera rubbama ar-rahn faqat, et ça sera pareil pour les autres. Enfin, si on applique nahnu hada, vous verrez qu'il y a un khair azim, et ça montre que dinul islam c'est un din kamel et que ce din il est fondé sur ar-rahma. Pourquoi? Li'anna sayati ma'ana mithal sur na'am sayati ma'ana dans le bab d'après. Ce chapitre, il est important. Il a besoin de certaines choses et il n'a pas d'argent. Donc, emprunter de l'argent, c'est muhim. C'est une facilité pour lui. Kadhalik, ils ont de l'argent, et le fait qu'ils prêtent, il a un ajr azim. Et kadhalik, il récupère son argent, il n'a rien perdu. Et il a gagné des hasanat azim. Donc, ne pas négliger hadal bab, lakin avec des règles et faire attention. Si c'est pour que ça emmène un shara azim et des fitaines et de la division, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que ce bab. Lakin, si c'est fait avec les règles et avec des personnes qui yattaqoun Allah, fa khayrun. C'est pour ça que notre sharia, notre din, il détaille ces points. قال وكالرهن والضمان والكفالة التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي يستوفى منها. Prenez l'exemple de rahn pour vous montrer que si on applique notre din, on n'a pas besoin d'autre chose. Sur ce point, les dettes, il y a beaucoup de problèmes. الرهن العلماء يعرفونه بقولهم توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. C'est ça الرهن. يعرفونه هكذا الفقهاء. Et celui qui veut le تعريف يستفيده من كلام الشيخ البوزان في الملخص إلى ستان تعريف طيب. الملخص الفقهي هو كتاب مهم pour طلبة العلم خاصة المبتدئين. Il a cité tous les chapitres de fiqh avec un kalam sahl et avec des définitions très simples. Que chaque frère, il a ce kitab, فطيب يستفيد منه dans beaucoup de points. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. الرهن donc c'est واحد il te demande une dette. Prête-moi 500 euros مثلاً. طيب أنت tu veux l'aider et tu as l'argent. لكن pour préserver ton bien, les 500 euros, et on précise à Naviha d'Al-Hal, la personne, il fait attention aux sentiments, ou à ça, oui, pas besoin que je fasse ça, le frère, c'est un frère de confiance, il va mal le prendre. Là, si c'est un frère de confiance, ça ne le gêne pas, et pourquoi il le prendrait mal? Ça fait partie de notre dîme. Fiha d'Al-Hal, tu lui prêtes les 500 euros, là, quand tu prends Ar-Rahn. Cette chose, Aïn, Al-Aïn, c'est une chose. Maintenant, 500 euros, tu le prêtes, lakin, il a un téléphone qui vaut les 500 euros, et il n'en a pas besoin. Ou est-ce qu'il a besoin? C'est l'argent. Il a quelque chose d'important à faire. Il te passe son téléphone. Et ils appellent ça par un gage. Ah oui, ils peuvent traduire Hada par un gage. Son téléphone, tu l'as. Tu t'en sers pas, c'est son téléphone. Lakin, tu le places en sécurité chez toi, et tu lui prêtes les 500 euros. Et vous écrivez cette dette. Je t'ai prêté 500 euros tel jour et une date déterminée fixe, tu me les rends tel jour, et dans un mois, dans deux mois, et tu m'as donné ton téléphone, telle marque, il a appelé, engage, rahan. Quand il te rend les 500 euros, tu lui rends son téléphone. Si il ne te rend pas ces 500 euros, il y en a la personne, l'insan, il n'est pas ma'asoum. Rabbama, shaytan yulubis alayhi, rabbama, une fitna, un problème muhim, quelque chose. Ah oui, disparaît, ça arrive. Il lui est arrivé quelque chose, maladie. Al-Muhim, s'il se passe quelque chose et t'as pas rendu tes 500 euros, tu as son téléphone. Imma, tu profites du téléphone, c'est le tien, s'il ne te rend pas l'argent. Imma, tu le vends et tu récupères tes 500 euros. Il y en a ce téléphone, sa valeur, c'est ce prêt que tu lui as donné. Rahma, ça ferme tous les problèmes. Imma, pas de kitab, pas de témoin, pas de rahm. Sahib al-Din. Ou celui qui a aidé plutôt, il se retrouve dans des problèmes. Il est obligé de chercher cette personne où il est et il regrette d'avoir prêté. Alors nous conseillons nos frères d'appliquer hada, ça fait partie de notre din. Et ceux qui vont faire des dettes avec ces choses, Farubama, ça les fait réfléchir et ils ne s'autorisent pas à certaines choses, à y retard ou ne pas payer. Là c'est muhim. Ar-Rahnu. وقال عز وجل سيتي في القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فمون خلنا أن في الحقيقة الرهن في السفر وفي الحضر على الصحيح بعض العلماء يقولون que c'est que pour le voyage لكن الصحيح c'est que pour les deux voyageurs ou résidents on a le droit d'appliquer الرهن أي de prendre quelque chose en gage. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَرُبَّمَا t'es dans un endroit, il n'y a pas de كاتب, tu ne peux pas écrire, il a affaire, mettre tout sur papier, فَيَجُوزُ que بَلْ سَمَشْرُوعَ الرَّهْنِ فِي هَذَا الْحَالِ. Tu prends, il te donne un objet qui a la même valeur, et s'il te rembourse, tu lui rends son objet, et s'il ne te rembourse pas, فَالْحَمْدُلَّهِ t'as quelque chose de la même valeur. قَالَ الشَّيْخُ الْفَوْزَانِ فِي الْمُلَخَّصِ وَالْحِكْمَةُ فِي مَشْرُوعِيَتِهِ حفظ الأموال والسلامة من الضياع. Et c'est ça qui nous intéresse, nous. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré الرهن? Pour préserver les biens des musulmans. كذلك pour éviter la division, éviter les problèmes. فكم من مشاكل في هذا الباب والله المستعان. Et bien sûr, des tafasil ukhra dans kutub al-fiqh, que ce soit al-dhaman ou al-kafala ila akhirah. Al-dhaman, ça ressemble, al-kafala kadhalik. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité هذه الابواب كذلك dans son sharh, sharh al-mumti' على زاد المستقنع. قال الضمان هو التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي. إذا كذلك طيب من باب التعاون. سيت ان اكزامبل فمثلا اول on va pas tout détailler, نحن on lit un مثال فقط pour comprendre le lien de cette مسألة avec notre cours. أن يكون شخص مدينا إلى أن دين لآخر بدراهم فيمسكه صاحب الدين. Un frère, il a une dette envers un autre, il lui doit telle somme, et celui qui lui a prêté l'argent, il vient le voir et il lui dit, je veux mon argent. Et le délai, il est passé. J'ai besoin, je t'ai prêté, tu me rends. قال ويقول اعطيني ديني الان. Et mon argent الان. وإلا رفعت أمرك إلى السلطات. Sinon, je porte plainte. أي عند الحكومة عند الدولة. قال فيأتي إنسان من أهل الخير ويقول أنا أضمن أو أضمن دينه. صاحب خير. Notre frère musulman qui a de l'argent, il veut faire du khair, il va voir cette personne qui a prêté l'argent et lui dit أنا أضمن. أي si tu rends pas moi, je te rends. Il lui rend. ثم صاحب الدين, celui qui n'a pas remboursé, il doit rembourser au deuxième. باب التعاون, لأن le premier il avait besoin. ففي الحقيقة la dette elle passe du premier à un autre. Et ça c'est طيب. Ça c'est طيب, ça s'appelle الضمان. Tout ça c'est quoi? C'est pour s'entraider. قال الشيخ الفوزان الضمان سنة المستحبة لأنه من الإحسان والله يحب المحسنين. من باب التعاون. C'est pour ça que celui qui se fait aider, فلا ينسى الخير. On t'a aidé, on t'a prêté, فلا تنسى الخير. Même si tu ne peux pas rembourser, le minimum un bon comportement, il y en a certains, ils font une erreur, il ne peut pas rembourser, il a un problème. Là, il a un mauvais comportement. Il éteint son téléphone, il ne répond plus. Obama, il change de ville. Obama, il ne parle plus à celui qui lui a prêté. C'est de zom. Si tu as vraiment eu un problème et tu ne peux pas rembourser, tu demandes pardon et tu t'excuses. Et inshallah, si tu as un bon comportement et tu t'excuses, enfin, ce frère qui t'a prêté, enfin, inshallah, il repousse. Bel, بعض المحسنين ربما, ils effacent la dette. Et ça, كذلك, c'est un عمل طيب. Celui qui peut effacer la dette d'un frère, لأنه il est مُعسر حقا. خاصة, c'est un رجل صالح, un طالب العلم. Et il est مشغول بأشياء, il fait des efforts, لكن il n'arrive pas. Enfin, celui qui lui efface ta dette, هذا c'est أجره عند الله, il est عظيم. Ou, il va te repousser, ربما. Tu devais lui rembourser ce mois, il te rajoute 6 mois. أهم شيء, un bon comportement, et on n'oublie pas le khayr. لأن ce frère qui demande son haq, si le délai il est passé, il a le droit, c'est son haq. Lui aussi, il a des besoins. في هذا الحال, الإخوان gardent leur calme, un bon comportement, ils discutent, et celui qui peut faire du khayr, il fait du khayr. قال ولكنه سنة بقيد وهو قدرة الضامن على الوفاء. نعم كذلك أنه, et celui qui s'engage, il peut rembourser. إلى آخره. الشيخ ابن عثيمين في النصيحة طيب قال فإن لم يكن قادرا فلا ينبغي أن تأخذه العاطفة في مساعدة أخيه لمضرة نفسه. Ça c'est important. Attention à l'awatif dans ce bab et في غيرها الباب. ربما tu sais qu'un frère il est en difficulté et il ne peut pas rembourser, et en tant tu t'engages, tu vas voir celui qui lui a prêté et tu lui dis أنا ضامن, أي inshallah moi je vais te rembourser et je verrai avec le frère. Alors qu'il ne peut pas lui-même, لكن c'est les sentiments. Il a voulu aider, il veut faire du khayr, et lui-même il est juste, et il s'engage, tout mal. Lui-même il est dans des problèmes, il ne peut pas rembourser. Tu n'as pas le droit de te faire du mal. Fais du'a. Si tu veux aider, fais du'a. Conseil, à t'engager dans une chose que toi-même tu ne peux pas, tu n'as pas la qudra, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas assez d'argent. فَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. قَالَ ابْنُ الشَّيْخِ ابْنُ عُثَيْمِينَ وَيُوجَدْ الْآنَ أُنَاسَ غَارِمُونَ وَسَبَبُ الْغَرَمِ الضَّمَانِ. Je trouve des gens qui sont eux-mêmes endettés. Pourquoi? Ils se sont engagés à rembourser des dettes qui n'étaient pas les leurs, et eux-mêmes, ils sont tombés dans les dettes et dans les problèmes. Il y en a celui qui s'engage, celui qui a prêté l'argent. Et celui à qui on doit rendre l'argent. Si tu t'engages à rembourser, il viendra vers toi l'un, il ne viendra pas vers l'autre. Donc l'insan, il réfléchit. Nous, ahyanan, ce qui nous fait du mal, c'est deux choses. Les sentiments et la précipitation. Fahdhar. Les sentiments, c'est bien de penser à l'autre. C'est bien la douceur. Lakin al-hikmah. Chaque chose à sa place. Tu ne pourras pas aider tout le monde. Tu ne pourras pas faire tout le khayr. Là, tu es un bachar. Choisis et fais le khayr, tu as la capacité et tu es régulier. Amma, les sentiments, kadhalik la précipitation, ne te précipite pas, akhil karim. Quand tu as quelque chose, étudie l'affaire, le sujet, tout doucement, demande conseil. Si tu peux, alhamdoulilah, si tu ne peux pas, tu es excusé. Donc on fait attention à ces deux choses, la précipitation et les sentiments. قال شمعة تيمين فنقول هذا خطأ لا تحسن إلى غيرك وتسيء إلى نفسك فبل الله هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار pas le droit de faire du bien aux autres et faire du mal à toi لا فإن هذا ليس من الحكمة donc الحكمة c'est مهم الحكمة c'est mettre chaque chose à sa place tu peux aider tu aides tu peux pas aider tu aides pas بعض الناس ربما il aide un autre et il fait du mal à sa femme et ses enfants. Et il donne l'argent à un autre, il prête, et il n'a plus de quoi subvenir aux besoins de sa femme et ses enfants. Il a fait du bien à un autre, et il a fait du darar à ses proches. Alors que ses proches, ils sont « Aoula bil ma'rouf ». Ses proches, ils passent avant femme et enfants. Avant cet étranger, entre guillemets. Ah, là, c'est muhim. Tout ça, c'est des abouab. Al-haqiqa, si al-muslimoun, ils reviennent au Coran et à la sunna dans ces messages, la plupart des problèmes que tu vois et que tu entends, Inch'Allah, ils n'auront pas lieu d'avoir. Abadan. Lakin, al-taqsir et al-ibti'ad, al-sunnah, ça fait du mal. Qala, Cheikh Sa'di, rahimahullah, on revient au matn. Wa la yakhfa ma fi dhalika min al-manafi' al-mutanawwi'a wa hifd al-huquq. On a donné l'exemple de Rahm. Manafi' azima et hifd li haqq. Il ne veut pas, ou il ne peut pas, ou autre raison, tu ne récupères pas ton argent, tu as cet objet de valeur et t'en profites. ففي الحقيقة طبعاً أبخمي في هذا الحال قال التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي يستوفى منها نعم إما الرهن récupère cet objet إما واحد il a fait الضمان مثلا ce frère tu lui as prêté il ne peut pas te rendre لكن un autre frère il s'est porté garant s'il ne peut pas te rembourser c'est lui qui te rembourse tu retournes vers ce frère qui te rembourse voilà كذا الحمد لله يدي حلول Al-mushkila, c'est celui qui délaisse tout ça, il fait les choses lui-même. Comme on a dit, ni écrit, ni rah, ni hakada, il fait les choses tout seul. Et à la fin, Obama, il récupère pas son argent. Et Obama, il parle plus à ce frère. Et personne n'est gagnant. قال ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة وحفظ الحقوق وتوسيع المعاملات وردها إلى القسط والعدل وصلاح الأحوال واستقامة المعاملات. فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات. Al-mu'amalat, c'est tout ce qui est bouyour, prêter de l'argent, etc. Al-kutub al-fiqh, en général, c'est divisé en qism fil-ibadat, tout ce qui est salat, al-hajj, al-siyam, etc. Et un qism, c'est al-mu'amalat, tout ce qui est commerce, etc. Le commerce et le mu'amalat en général, que ce soit les prêts, que ce soit le commerce et autres, c'est fondé sur ces wathaiq. Et al-dual, al-an, bien sûr les pays musulmans, wallahi alhamd, beaucoup, la plupart des choses, c'est avec des wathaiq. Et c'est muhim, ça préserve les choses et ça évite la division. Wathiqa, un papier officiel, t'as fait telle chose ou tu possèdes telle chose, c'est muhim. Qala, fa innaha nafi'atun lil mutawathiq wa nafi'atun liman alayhi alhaq min wujuhin muta'addida ma'roufa. Et on a cité quelques exemples. Et hada, c'est min manafi'. هذا الدين اسم من محاسن هذا الدين الآن سكي الكفار واضح كيسون في ضيق وتعاسة حتى بعض المسلمين كيسون يكارتل القرآن إلى السنة كم منهم يبيرد لغ أموال كم منهم يسوبيز des injustices أو يسون انجست tout ça parce qu'ils appliquent pas هذا نقرأ الرابع عشر لأنه c'est lié قال المثال الرابع عشر ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله والمعروف عند الناس ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله فيكون مكسب هذا النوع أجل المكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر. Ça c'est مهم. Et on l'a cité. أن notre دين il nous encourage à faire du ihsan. Et va citer l'exemple الآن الإحسان في المال. مثلا tu aides ton frère. صحيح celui qui a de l'argent si les choses elles sont faites dans les règles et كذلك il prête de l'argent à un رجل صالح qui respecte ses engagements et qui va te le rendre. Inch'Allah, c'est du khayr. Robama, ces 500 euros que tu vas lui prêter, elles vont rester chez toi pendant un an. Et fil haqiqa, t'en profites pas. Tu lui prêtes, et huwa, ça va lui être utile, thumma, il te les rend. Enfin, le fait que tu lui as prêté, et t'as été la cause pour faciliter à ce frère dans telle chose ou telle chose, enfin, inch'Allah, t'es récompensé. Et tes biens, elles reviennent à toi. Donc, tu gardes tes biens et t'as un ajr azim. Lakin, avec les détails qu'on a cités auparavant. Si tu connais wahed, il est connu pour ne pas rendre l'argent, ou c'est un voleur, ou un menteur, il est injuste. Ya akhi, la tata'amal ma'a. Même s'il vient te voir, et ta'alamoun anna ba'dahum, quand ils ont besoin de quelque chose, ils viennent avec une sourde. Il a un besoin, il vient avec un visage. Thumma, quand il doit rendre, c'est une autre personne. فلا تتعامل مع هؤلاء. T'es pas responsable de lui. Il a besoin, il a pas besoin. أنت t'es pas responsable. تتعاون مع الصالحين مع المحسنين مع الصادقين. Tu sais que inshallah c'est un khayr pour toi. Et bien sûr avec les règles qu'on a citées. كتابة الدين si il faut un rahn tu prends un rahn وهكذا حتى ترتاح. قال وذلك كالقرض والعرايا ونحوهما. أي emprunté. Il y a des différences entre le qard et l'araya. Bardhoum est différencié en le qard. Tu prêtes quelque chose et il n'est pas obligé de te rendre la même chose. Tu lui prêtes, al-muhim, il te rend quelque chose qui a la même valeur. Ou al-araya, rubbama bardhoum, il dit ça doit être la même chose. Al-muhim, c'est des détails fi kutub al-fiqh. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un prêt. Hada fi ihsan. Azim pour celui qui a besoin. قال فإن في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وحصول الخير. والمبرات ما لا يعد ولا يحصى. بعض الناس مساكين ils arrivent à un niveau ils ont plus et ils ont besoin de cet argent. Celui qui est يتعاون معهم il lui prête. Inch'Allah c'est un khayr azim. Et ce musulman inch'Allah il sera reconnaissant envers Allah عز وجل et n'oubliera pas le khayr de ce musulman qui lui a prêté. وصاحبه يرجع إليه ماله. Celui qui a prêté son mal il lui revient donc il a rien perdu. Il a gagné des hasanat. قال وقد استفاد من ربه اجرا جزيلا. Et ça montre que هذا الدين c'est un دين de rahma de ihsan. ان si hasanat الان tu prêtes ton argent et ton argent elle te revient, ça fait la haqiqa t'as pas perdu ton argent, tu l'as pas donné, لكن t'as un ajr azim. قال من ربه أجرا جزيلا وبدر عند أخيه إحسانا وجميلا مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة وانشراح الصدر وحصول الألفة والمودة. Ça c'est une des causes de مودة entre مؤمنين أي التعاون que ce soit avec le mal ou غير المال. لأن المؤمن s'il sent que son frère il veut du bien il l'aide, ça renforce les liens. قال وأما الإحسان المحض الذي يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع إليه فقد تقدمت الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدق. أما الإحسان أنه يدن c'est pas il prête الآن il donne أنه il lui donne l'argent et il veut pas qu'il lui rende. فهذا c'est أعظم et c'est un تعاون طيب. Et تقدم في الزكاة كذلك في الصدقات كذلك الهبة كذلك الهدايا أنه il lui offre un cadeau ou il lui donne, ou il l'aide, et il ne veut pas qu'il lui rembourse, et ce n'est pas une dette, هذا أجره إلي عظيم عند الله. هذا ما يتعلق بهذه المسائل. Et في الحقيقة, toutes ces مسائل, ça rejoint le même point, c'est التعاون. لكن on reprécise أن التعاون, il ne faut pas que ça devienne شر واختلاف. التعاون avec les règles. التعاون, il faut bien savoir avec qui tu t'attaouen, لأن on vit dans une époque الآن, ربما tu veux faire du khayr et c'est la cause de division et de شر, فالإنسان ينتبه. La ifrat ou la tafrit. Kadhalik, quand on part dans la pensée de tout le monde est mauvais, on ne peut plus aider personne, là, alhamdulillah, le khayr, il est hasil. Et il y a des muslimoun, mu'minoun, salihoun, ils sont à la khayr, tu peux t'ata'amal ma'ahoum. Lakin, al-hadar, al-insan, il fait attention. Na'am, naktafi bihada, et le prochain dars, inshallah, na'akhud al-mithal al-khamis achar, fi fasl al-khusumat, et kadhalik, c'est un bab tayyib, un bab muhim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك